Everybody knows that the dice are loaded, and everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Hey, hey, hey! Bonsoir, bonne nuit. Bienvenue, oiseaux de nuit, dans votre émission Les Gaillards de nuit. Foxy Mox vous accueille cette nuit de minuit 1 à 6h AM pour discutailler de sujets variés et avariés. Vous êtes bien sûr sur les ondes hertziennes du 89.3 CJPM Chicoutimi et nous diffusons à la grandeur de notre royaume du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Merci de nous avoir syntonisés encore cette nuit. Que vous soyez dans une chaloupe sur la ZEC Onatchiwe en train de taquiner la truite arc-en-ciel ou la babotte, ou dans votre hamac en train de balancer au milieu d'une horde de maringouins, ou sur votre terrain à Arvida en train de tousser votre vie à cause des émissions polluantes de l'usine de Rio Tinto, qui, je vous le rappelle, est la plus grande émettrice industrielle de particules fines au Québec, eh bien, on est content de vous avoir avec nous dans Les Gaillards de nuit. Où cette nuit, Foxy Mox vous accueille avec son nouveau dentier, un dentier tout nouvellement refait, dont les dents sont d'une blancheur à faire rougir la lune de jalousie. Et qu'est-ce que Foxy Mox vous a préparé pour cette nuit? Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que Louis de Gonzague, journaliste et ancien animateur de l'émission Plus ou moins bon, sera avec nous un peu plus tard. Après vous avoir fait découvrir la semaine passée la tourtine, il récidive avec une nouvelle chronique culinaire qui risque d'en ébranler plus d'un. Je vous garde la surprise, mais je vous parie que le gars de l'urinothérapie que nous avons vu dernièrement dans l'émission Caméra 90 salivera en entendant cette chronique particulière. On a aussi, bien sûr, comme à chaque émission, l'ami Martin qui a pris la peine de nous écrire. Ce soir, l'ami Martin est triste. Son écureuil préféré, Biscotte, qu'il nourrissait depuis 2019, aurait été retrouvé dans la rue devant sa maison, écrapouti. Est-ce un cadrage au volant? Ou plutôt l'ordinateur d'une Tesla électronique mal réglée? L'œuvre des gangs de rue? Qui sait? L'enquête policière en cours nous le révélera sûrement. Mais entre-temps, l'ami Martin est triste. Donc, un peu plus tard, je vous lirai la lettre de Martin. Et bien sûr, comme chaque nuit, Foxy Mox vous a concocté une fricassée de petits sujets que vous pourrez bien sûr déguster en sirotant un bon scotch. Ce qui m'amène à vous parler de notre nouveau commanditaire. Et oui, faut bien que les salaires de moi et de Bob se paient. Cette nuit, l'émission est commanditée par la distillerie Lagavulin, producteur de nectar divin pour les amateurs de scotch. Et préparez-vous à être séduit et émerveillé par leur nouveau Lagavulin 12 ans, version spéciale 2022. La station a reçu au cours de la journée une bouteille en cadeau. Une belle bouteille avec un espèce de gros hibou de feu sur l'étiquette. Une bouteille à 265$ selon leur site, et je n'attends pas, on se l'ouvre immédiatement. On se verse maintenant un bon verre. Déjà, je peux vous dire que ça sent un mélange de bonheur-plaisir. Ça sent la bonne tourbe écossaise. Et qu'est-ce que ça goûte? Je vous dis ça tout de suite. Ça goûte, c'est difficile à décrire, mais je vais essayer de vous décrire ce que je ressens. Fermez vos yeux, respirez lentement Imaginez-vous un instant. Vous êtes dans une contrée lointaine où des nains festoient joyeusement en dandinant leurs bras atrophiés. Imaginez-vous que vous êtes au milieu d'eux, entouré d'un feu de camp, entouré de fumée délicate et enivrante. Dans votre bouche, il y a un balai délicat entre le ciel et la terre, où un petit nabo livre un combat sans merci à vos papilles. Voilà, c'est ça que ça goûte. Ça goûte le nain en fumée. Bon, maintenant, on se démarre l'émission en musique. Vous êtes toujours avec Foxy Mox, c'est bien sûr Bob à la régie, qui me fait de grands signes de lui passer la bouteille de scotch. Et cette nuit, pour bien se lancer, on débute avec un artiste de la région, Dalma, pour être plus précis. Vous le connaissez probablement. De sa page wiki, on peut apprendre que Joël, on parle ici de Joël Martel, il admet lui-même qu'il n'a jamais obtenu son diplôme collégial car il n'a pas réussi à obtenir la note de passage pour son cours de golf en éducation physique. Mais malgré tout, celui que l'on surnomme le prince du temps a également obtenu un bac en études littéraires françaises de l'Université du Québec à Chicoutimi, après y avoir étudié entre 2003 et 2007. Poète musical, nous écouterons sa chanson « J'ai un requin dans ma chambre » sur les ondes du 89.3 CJPM dans votre émission « Les pépineurs de nuit ». Je me sentais si seul, mais maintenant que tu es dans ma chambre, je ne me sens plus seul. Je sais que tu es toujours là. Tu es toujours là. Je ne saurais expliquer comment je me suis retrouvé dans cet endroit étrange. Devant moi, un homme souriant. Sait-il que je suis un requin? Oui, j'ai un requin. Je suis un requin blanc. Dans ma chambre, j'ai un requin. Oui, dans ma chambre, j'ai un requin. Oui, j'ai un requin. Je suis un requin blanc. Dans ma chambre, j'ai un requin. Oui, dans ma chambre, j'ai un requin. Tu me lances des bouts de crevettes que tu as ramené de la casa grecque. J'espère que tu me pardonneras si tu me flattes encore et que je t'arrache le bras. Ce n'est rien contre toi. Je suis de nature sauvage. Ce n'est rien contre toi. Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu es très conscient que tu pourrais aller nager dans l'océan. Oui, j'ai un requin. Oui, dans ma chambre j'ai un requin. Oui, dans ma chambre j'ai un requin. J'ai un requin. Oui, dans ma chambre j'ai un requin. Oui, dans ma chambre j'ai un requin. Ah, que c'était bon. En passant, c'est la chanson favorite de mon plus jeune garçon. La nuit avance, laissant derrière elle le jour. Elle révèle nos désirs les plus profonds avec amour. Dans l'ombre douce, nos espoirs se révèlent et nos cœurs éclatent de bonheur, tels des pétales de fleurs. Alors ce soir, avec Foxy Mox, laissez-vous emporter par ce voile mystérieux où les possibles se mêlent aux rêves les plus précieux. Je le disais, la nuit avance, et avec elle, une promesse. Une promesse que je me fais chaque après-midi quand je me réveille. La promesse de vivre intensément dans cette parenthèse céleste. Comme je vous disais plus tôt, l'ami Martin nous a écrit. Enfin, écrit est un bien grand mot, car ce soir, il m'a simplement demandé de lire un article de journal qu'il avait glissé dans une enveloppe jaune parfumée à l'aftershave. Pour vous mettre en contexte, c'est un article du Journal de Montréal du 24 mai 2023. Le titre de l'article, « Scandale au village Amish, un nudiste égaré et sa quête pour retrouver sa montre perdue ». Il y a bien sûr une photo. Le Journal de Montréal n'a pas l'habitude de faire dans la dentelle et ils ne font pas exception cette fois-ci. La photo, prise sur le vif, montre un homme dénudé, debout au milieu d'une rue pavée pittoresque d'un village Amish. Son expression est à la fois surprise et déterminée, les bras et les jambes écartés, qui, j'imagine, veut démontrer son désarroi face à la disparition de sa mort. Autour, les passants Amish, habillés sobrement dans leur tenue traditionnelle, le regardent avec des expressions mêlées de curiosité, d'étonnement et de désapprobation. Et l'article se lit comme suit. Martin. Un homme au tempérament aventureux a vécu une mésaventure mémorable au cœur du village Amish de Lancaster. Préparez-vous à entendre son récit captivant et incroyable. C'était une journée ensoleillée lorsque je me suis retrouvé, par un concours de circonstances des plus improbables, au centre-ville d'un paisible village Amish. En tant que nudiste assumé, j'ai décidé de profiter de la belle météo et de me promener en toute liberté, ignorant complètement les conventions sociales qui m'entouraient. Imaginez la scène, moi, Martin, arpentant les rues pavées du village sans la moindre parcelle de vêtements sur le dos. J'étais le tableau vivant de la différence, suscitant une onde de choc parmi les habitants de cette communauté traditionnelle. Mais comme si cela ne suffisait pas, le destin s'est joué de moi. Alors que je déambulais, confiant dans ma nudité assumée, j'ai soudain réalisé avec stupeur que ma montre, seul objet que je portais, avait mystérieusement disparu de mon poignet. J'ai ressenti, à ce moment, un mélange de surprise et de panique, car même au milieu de cette excentricité, je tenais à mes affaires. La situation devenait de plus en plus cocasse, voire ironique. Je me suis mise en tête de retrouver ma précieuse montre au sein de ce village où les technologies modernes sont bannies. Les regards perplexes et désapprobateurs des Amish qui m'entouraient ont ajouté une dimension comique à la situation. Je me suis tournée vers les membres de la communauté, cherchant leur compréhension et leur aide. Et malgré notre différence de mode de vie, j'ai été touchée par leur réaction. Malgré leur surprise initiale, certains d'entre eux ont décidé de me prêter main forte dans ma quête. Ensemble, nous avons sillonné les champs verdoyants et les ruelles pittoresques où j'avais déambulé, scrutant chaque recoin à la recherche de ma montre égarée. Le contraste entre mon apparence audacieuse et l'environnement traditionnel du village rendait la scène encore plus singulière. Ensuite, on a plusieurs petites photos où on voit Martin, l'une penchée dans les herbes, l'autre sur un cheval, avec une fausse corne de licorne, et l'autre, main dans la main, avec une dizaine d'Amish à chapeau. Bon, Je vais vite sur la suite de l'article. Mais finalement, il semble qu'après une recherche acharnée, la montre de Martin a été retrouvée parmi les autres herbes d'un champ grâce à l'œil perspicace d'un enfant à miche. Martin, lui, termine en disant « Cet instant a été marqué par un mélange de soulagement et d'émerveillement. La montre était enfin de retour à mon poignet. Et moi, Martin, je quittais ce village avec une expérience à raconter pour le reste de ma vie. » Voilà, je crois que cette rencontre insolite de l'ami Martin et du village Amiche restera gravée dans sa mémoire et dans les annales de ce village. Cette histoire nous rappelle que malgré nos différences et nos modes de vie divergents, il est possible de se soutenir et de trouver une certaine harmonie dans les moments les plus inattendus. Après tout, les rencontres les plus insolites peuvent parfois nous révéler une part d'humanité inattendue. Dans l'écumeur de nuit, on est toujours à l'affût de ce qui fait jaser en ville. Et avant l'émission, Bob à la régie a pris le temps de nous faire un petit vox pop sur ce qui fait jaser en ce moment à Chicoutimi. Depuis que le gouvernement a fait savoir qu'il songeait à mettre fin à l'interdiction des femmes de fréquenter les tavernes, ça suscite pas mal de réactions. Bob s'est donc rendu à la taverne chez Boubou pour recueillir l'impression de quelques clients. On écoute donc le vox pop qu'il a pu recueillir. Une taverne, c'est une taverne. Les tavernes sont appelées à disparaître d'ici 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, ça me dérange pas partout, mais personne ne m'empêche de venir prendre un verre de bière. Ben, si c'est appelé à disparaître, mais restez chez nous. Ah, mais moi, ça me dérange pas partout, parce qu'une brasserie ou une taverne, moi, je vois les deux. Mais pourquoi vous venez dans une taverne? Ben là, c'est parce que je travaille pas actuellement, c'est pour ça. Quand je travaille, j'aime ça prendre une consommation en finissant de travailler, mais être tranquille. Parce que des fois, tu peux arriver, tu vas avoir une chicane à la maison, tu sais, un problème quelconque, ben, t'es pas capable de le résoudre. L'autre, ben, tu penses que t'es pas capable de le résoudre. L'autre, tu peux le résoudre, mais... Puis toi, le résoudre, essayer de le résoudre, ben, tu t'en viens ici, tu relâches. Il me semble qu'un homme devrait avoir la vie ce qu'il veut, être libre, de ne pas toujours avoir des femmes dans la place. Si on veut prendre un verre de bière et avoir la paix, c'est là d'éloigner des femmes. Oui! Une femme, ça ne me dérange pas. Ça ferait même plaisir, même des fois, de les avoir avec nous autres. Je serais curieux de savoir ce que les femmes en pensent, justement, si les femmes ont toujours besoin de faire exactement ce que les hommes font pour se sentir plus femmes. Oui, mais la raison pour laquelle on veut fermer les tavernes, c'est qu'on dit que c'est discriminatoire vis-à-vis des femmes. Bon, ben, que vous êtes taverne pour les femmes. Qu'est-ce que vous allez faire quand il n'y aura plus de taverne? J'achèterai ma caisse de bière à l'épicerie, puis elle sera à côté de mon lit. On trouvera bien autre chose dans le temps comme dans le temps. Ça, que ça s'appelle taverne ou autre chose, il y a un coin où les hommes ont besoin de se retrouver tout seuls entre eux autres. Des hommes, c'est des hommes, et puis Si on s'engueule entre hommes, on s'engueule. Tu donnes un coup de poing sur la gueule à un homme, tu y donnes, point final. Il n'y a pas toujours la paix, mais en général, on a la paix. Ben, moi, je pense qu'ils devraient nous laisser nos tavernes, qu'on puisse prendre notre bière tranquille. Bon, sur les ondes du 89.3 CJPM, la nuit s'anime alors qu'on va poursuivre en musique. On écoute encore l'ami Joël, qui avec ses deux prochaines chansons va sûrement vous donner le goût d'aller dans un resto de fast-food bien connu. On écoute donc sa chanson MC Human, qui sera suivie du rap de Grosse Douceur. On l'écoute. Je prends ma mec valise avec ma mec voiture sur la mec autoroute. Hey, je respecte les mecs, limite de vitesse. J'arrive au McDonald's et je prends un mec sandwich. Je suis un mec humain, 100% McDonald's. La mec journée, je suis au mec bureau, à mon mec ordinateur, avec mes mecs collègues. Et mon mec patron m'apporte un mec café pour ma mec pause. C'est un mec mec sympathique. Et à la mec soirée, je regarde la mec télé sur mon mec divan en mangeant un Big Mac. Et je brosse mes mecs dents et je vais au mec lit. Et je fais des mecs rêves jusqu'au mec matin. Je suis un mec humain, humain, 100% McDonald's. Un mec humain, humain, 100% McDonald's. Un mec humain, humain, 100% McDonald's. Rap-a-ta-ta, rap-a-ta-ta, rap rap-a-ta-ta, rapidy rapidy rapidy rap. Écoute ce rap, oh, écoute ce rap, tabarnak. Écoute ce rap, rap, rap, ça rap, c'est ha, ha, ha. Écoute ce rap, rap, rap, ça rap, c'est ça rap, rap, rap, ça rap, c'est ha, ha. Écoute ce rap, rap, rap, ça rap, c'est ça rap, rap, rap, ça rap, c'est ha. Écoute ce rap, rap, rap, c'est. Écoute ce rap, rap, rap, c'est. Écoute ce rap, rap, rap, c'est. Écoute ce rap, rap, rap, ça rap, c'est. Ce rap, rap, rap, en tabarnak. Écoute ce rap au bout, ce rap en esti. Ça rap à ta ti, ça rap à ta ta. Rapidou rap, rap, rapidou rap. Rapidy, rapidy, rapidy rap. Écoute ce rap, oh, écoute ce rap en tabarnak. Écoute ce rap, rap, rap, ça rap, c'est huh. Huh. Huh. Écoute ce rap, rap, rap, ça rap, c'est. Ce rap, rap, rap, ça rap, c'est huh. Huh. Huh. Écoute ce rap, rap, rap, ça rap, c'est. Ce rap, rap, rap, ça rap, c'est huh. Écoute, ça rap, rap, rap, ça rap, ça rap, rap, rap, ça rap, ça. Écoute, ça rap, rap, rap, ça rap, ça rap, rap, rap, ça rap, ça. Écoute, ça rap, rap, rap, ça. Écoute, ça rap, rap, rap, ça. Écoute, ça rap, rap, rap, ça. Écoute, ça jab, jab, jab, ça. Tout ça, toutes ces belles chansons, ça m'inspire. Ça m'inspire une petite rime spontanée. Et comme la nuit est à nous, comme la nuit nous appartient, je prends le temps de vous livrer ce que ça m'inspire. On m'écoute. Dans le royaume des fast-foods s'épanouit McDonald's, un empire aux arches dorées, oh comme c'est beau, un ode à la malbouffe, à la friture grasse, où les rires des enfants résonnent en masse. Hey, fuck you, man! That is incorrect. Un clown souriant, icône en plastique, Ronald McDonald, mascotte fantastique, ses chaussures démesurées et son sourire figé, captive les foules, les petits sont enchantés. Say it. Hey, fuck you, man! Des hamburgers empilés, des frites dorées, des menus géants où tout est préparé. Les légumes s'effacent, la viande est reine. Dans ce royaume, la gourmandise se déchaîne. Hey, fuck you, man! That's right. Mais derrière les apparences se cache une réalité. Des calories en excès, une santé maltraitée. Des critiques fusent, les nutritionnistes s'alarment. Les hamburgers sont pointés du doigt, ils désarment. Hey, fuck you, man! That is incorrect. Say it. Hey, fuck you, man! La culture du fast-food, un paradoxe délicieux, un plaisir coupable, savouré avec excès. Des repas sur le pouce, un rythme effréné. McDonald's règne en maître, il est adulé. Hey, fuck you, man! Try again. Hey, fuck you, man! Hey, fuck you, man! Try again. Hey, fuck you, man! Mais gardons à l'esprit, avec un brin d'ironie, que la modération est la clé, la santé infinie. Savourons les plaisirs de temps en temps, sans oublier l'équilibre, l'essentiel important. Hey, fuck you, man! That is incorrect. McDonald's, symbole de notre société rapide, où tout se consomme, se digère avec avidité. Un poème ironique pour ne pas oublier qu'il est bon de prendre soin de notre santé. The correct answer is... Hey, fuck you, man! Hey, fuck you, man! Voilà. Qu'on aime ou pas, Ronald est là, au coin du boulevard Talbot. Malheureusement, il n'est plus ouvert la nuit. Donc, pour ceux qui ont pogné la faim, il va falloir attendre à la fin de l'émission, car McDonald's ne réouvre qu'à 6 ans. Ceci dit, je vous rappelle le numéro pour nous rejoindre en studio. C'est le 272-1212. La nuit est à vous. La nuit vous appartient. We'll be right back. Durant la pause musicale, Bob m'a dit qu'il a reçu un appel à la régie. Un message d'intérêt régional. C'est un message d'Urtubise Bouchard de la ferme Labichonne à Robertval qui fait dire « Attention sur la 169 en face de l'île aux couleuvres. Son épandeur à fumier aurait rencontré un problème alors qu'il se rendait vers ses champs à patates pour épandre le fameux mélange. Le panneau arrière de l'épandeur se serait ouvert alors qu'Urtubise donnait un coup de volant pour éviter un gros guibou qui volait dangereusement vers lui. Et malheureusement, dû au contre-coup, une bonne partie du chargement de fumier se serait vidée sur la route 169. Mais pour l'instant, pas de problème, ça ne bloque qu'un seul des deux voies. Donc le père Bouchard demande juste aux gens de ralentir. Il a laissé sur place Passe-Partout et Passe-Muraille, les deux nains de Fort Boyard qui travaillent avec lui à la ferme durant l'été pour faire la cueillette aux champs. Ils sont donc sur place et font ralentir les voitures des deux bords. Mais le père Bouchard vous demande de faire votre possible pour essayer, si c'est possible, de ne pas trop éclabousser ces deux nains. Il y a des petits rigolos qui s'amuseraient à passer dans le jus brun à bonne vitesse et les deux miquettes se seraient déjà fait plusieurs fois éclabousser par le merdier. Je sais que ça peut paraître amusant, mais les deux passe-petits auraient menacé le père Bouchard de quitter la ferme pour retourner en France si on continue à leur manquer de respect. Donc je vous demanderai de ralentir si vous pouvez. Je vous rappelle que c'est dans la Grande Côte sur la 169 à Robertval, direct en face de l'île aux couleuvres. C'est déjà pas facile pour nos fermiers de recruter des travailleurs aux champs. Le père Urtubise a la chance d'accueillir deux vedettes du monde de la petite taille télévisuelle, donc donnez-lui une chance. Il devrait être de retour avec son autre tracteur qui a une pelle en avant pour tout ramasser dans la prochaine heure. Bon, ça y est, il est en ligne, vous l'attendiez. Je lui laisse la place, notre collaborateur régulier dans l'enfumeur de nuit, Louis de Gonzague, journaliste quasi indépendant, qui a prévu de quitter le nid familial dès qu'il aura perdu sa virginité. Il paraît que ça fait plusieurs fois qu'il passe proche de conclure, donc ce ne serait qu'une question de quelques mois avant de le voir s'épanouir en dehors du nid familial. Mais ce soir, il est tout à vous. Louis, la ligne est à vous. Allô tout le monde, ici Louis de Gonzague, grand amateur de pêche dans le sirop sucré. Je tiens à le préciser, vous entendez le nouveau Louis, le Louis plus rap, un Louis moins pop, mais un Louis toujours aussi hot. Chers auditeurs, préparez-vous à découvrir la nouvelle tendance sensationnelle qui fait vibrer les papilles des aventuriers gastronomiques intrépides. Après vous avoir fait découvrir la semaine passée la très célèbre tourtine de chez Baron à Saint-Amboise, ne voici-t-il pas que j'ai découvert un autre mets tout aussi spécial cette semaine. Dans le village voisin de Sainte-Rose-du-Nord, le restaurant Chez Mulotte a ajouté sur son menu un breuvage qui risque de faire jaser. Oui, vous allez bien l'entendre, je parle de la légendaire et exquise slush à la pisse. Mais avant de frissonner d'horreur, laissez-moi vous guider dans un univers où l'ironie culinaire atteint des sommets inégalés. Imaginez-vous une chaude journée d'été, assoiffée et en quête d'une boisson rafraîchissante. Vous vous dirigez avec une curiosité mêlée de dégoût vers le restaurant de la belle Mulotte qui vend de la slush à la pisse. Mais laissez-moi vous dire, mes chers amis et auditeurs oiseaux de nuit, que vous êtes sur le point de goûter à un élixir divin dont vous n'auriez jamais osé rêver. La première gorgée de cette boisson unique provoque une révélation sensorielle spectaculaire. Votre palais est immédiatement enveloppé par une douce amertume subtile, un mélange parfaitement équilibré entre l'acidité et une touche salée. Les arômes énigmatiques de cette concoction vous transportent dans un tourbillon d'émotions contradictoires, une symphonie gustative qui défie toutes les conventions. Bien sûr, la slotch à la pisse est la quintessence de l'artisanat. La mulotte Mathildi prépare soigneusement chaque lot en utilisant uniquement ses meilleures pisses et celles d'une sélection rigoureuse de donneurs bien hydratés et en parfaite santé. La texture glacée de la slotch à la pisse se marie harmonieusement avec la légère effervescence de cette potion spéciale, créant une expérience buccale unique et inoubliable. Certains d'entre vous pourraient se demander, mais d'où vient cette étrange idée? Eh bien, mes amis, il semblerait que la mulotte, créatrice de la slotch à la pisse, ait puisé son inspiration dans le concept de repousser les limites. Décidée à se moquer des conventions, elle a voulu défier les normes établies et surprendre le monde culinaire avec son audace créatrice. Et ne nous méprenons pas, cette boisson est bien plus qu'un simple délice gustatif. Le slotch à la pisse est un symbole de rébellion, un acte de défiance envers ceux qui sont trop timorés pour sortir des sentiers battus. C'est une déclaration courageuse qui dit « Je ne me soumets pas à la dictature des saveurs conventionnelles. Je suis prêt à explorer l'inconnu, même si cela implique de boire de la pisse glacée. » Bien sûr, certains puristes pourrait se questionner sur la salubrité de ce liquide doré. Ah, la slotch à la pisse, une expérience gustative unique et déroutante. Parlons donc de sa dangerosité. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est absolument sans danger, voire même bénéfique pour votre santé. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous voyez, la slotch à la pisse est un chef-d'œuvre de l'absurdité culinaire. Elle offre une combinaison unique de saveurs salées et sucrées qui réveilleront vos papilles gustatives. En plus, elle regorge de nutriments essentiels que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est la potion magique de l'extravagance. Imaginez toutes les possibilités. Vous pouvez vous vanter d'avoir une boisson originale et totalement inédite lors de vos dîners entre amis. Imaginez leur réaction, surprise et déconcertée. À elle seule, leur réaction vaudra le prix de cette expérience hors du commun. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité sanitaire, laissez-moi vous rassurer. La mulotte est une personne qui m'a semblé très propre de sa personne. Et elle m'a assuré que sa slotch à la pisse est préparée avec une précision chirurgicale et qu'elle répond à des normes d'hygiène tout à fait flexibles. Après tout, un peu de saleté n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? Vous pourrez donc savourer chaque gorgée en ayant la certitude que votre système immunitaire est mis à l'épreuve. Et quant au risque de contamination, oubliez ça. Les bactéries et les microbes qui pourraient potentiellement se trouver dans cette boisson sont de petits défis pour votre système digestif. Considérez-les comme des entraînements pour renforcer vos défenses immunitaires. Rien de tel qu'un bon défi microbiologique pour stimuler votre organisme. Alors, n'hésitez plus, faites comme moi et plongez dans l'aventure pétillante de la slotch à la pisse. C'est une expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie et qui sait, peut-être deviendrez-vous un adepte fervent de cette boisson si particulière. C'était Louis de Gonzague en direct du restaurant Chibulotte où je m'apprête à déguster une nouvelle slotch à la pisse. Ils sont comme des serpents, ils pissent sur mes sentiments. Incroyable con, et dans mon cou, ils plantent leurs dents. De quoi devenir paranoïde? Pauvres nazes ont la haine, font chier bourrés sous stéroïdes. Arrogant, ils se la jouent testostérone, va falloir lâcher l'affaire. Ils sont jaloux, ils observent leurs voisins, ont pas envie de le voir heureux. Cette seule vision les rend zinzin, ça les renvoie à leur triste réalité. Vie de merde, taf de merde, du cervelas dans le cervelet. Ils ont du flambi dans le slop, bande de salopes. Faut qu'ils restent tranquilles ou je les découpe comme une escalope. C'est paisible, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicap quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflips, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicap quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. Sans gros mots, besame mucho. Ponche coco, pulopo, style Celentano. J'peux être un télo, même si plat est mon encéphalo. Pas d'allo, maman bobo. Pas de problème d'ego, sadomodo et réglo. Me sens lourd, mentalo, sueur qui coule, slow tempo. Pas d'allu, même s'il fait chaud, toujours classe en pédalo. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicap quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. De retour avec Foxy Mock sur les ondes du 89.3 CGPM Chicoutimi. Vous êtes bien sûr à l'écoute de l'Escrimeur de nuit, l'émission où les mots s'entrecroisent et les idées fleurettent dans un ballet linguistique captivant. Donc restez à l'écoute, car qui sait quelles autres merveilles nous réservent l'avenir de notre émission nocturne. Mais pour l'instant, encore un court poème que m'inspire la nuit et mon gros oignon sur l'orteil. Dans les méandres de la nuit, je suis là, micro à la main, les yeux fatigués, mais le cœur qui bat plein d'entrain. Je chante mes rimes, je déverse ma passion pour ces auditeurs nocturnes, source d'inspiration. Les heures sombres m'entourent, mais je reste debout. À travers les ondes, je délivre mes mots sans détour. Je suis l'animateur des nuits sans fin, le rappeur de l'obscurité à l'écoute de mes prochains refrains. Les insomnies me hantent, les paupières alourdies, mais je continue d'écrire, d'improviser, de défier la nuit. La fatigue me frappe, mais ma voix résonne haut et fort. Pour ces auditeurs insomniaques, je suis là, corps et âme, sans remords. Et je rêve parfois d'un café au petit matin, de sentir les premiers rayons, doux comme un refrain. Mais je reste fidèle aux compagnons de mes nuits, à vous, public nocturne qui éclairez mes mélodies. Alors, chantez avec moi, sous les étoiles scintillantes, dans les rues sombres, nos voix seront vibrantes. Bravons ensemble les heures tardives dans la danse. Les mots s'envolent, les rimes fusent avec une cadence intense. Cette nuit, je suis là, prêt à vous enchanter, à partager ces moments où nos vies se sont croisées. Car dans l'obscurité, nous trouvons la lumière. Dans ce rap nocturne, ensemble, nous laisserons nos voix briller. Alors, écoutez, mes amis, laissez-vous emporter par les couplets de ma vie que je vous ai confiés. Dans cette symphonie nocturne, nous trouverons la clarté et ensemble, nous chanterons jusqu'à l'aube se lever. Donc voilà. Et dans la marmite de sujets que j'avais pour vous, chers auditeurs, oiseaux de nuit, lapins de galles et tueurs de bambou, il me restait un beau texte qu'on a reçu ce matin. Le texte était enveloppé dans une vieille couverture de coton rouge laissée dans une boîte de carton devant la porte de la station. Comme si un auditeur nous avait abandonné son enfant. Donc je vous lis ce texte qui nous a fait plaisir d'accueillir dans notre orphelinat des oiseaux de nuit égale. Le texte que je vais vous lire était signé Alexandre le guitariste. Bienvenue dans les rues embrumées de Chicoutimi, où l'obscurité cache des secrets insoupçonnés. Cette nuit, laissez-moi vous conter la légende de mes nuits et les étranges rencontres qui jalonnent la rue Racine. Au détour d'une ruelle sombre, Augustin, simple d'esprit au grand cœur, erre sans but, enveloppé d'un mystère qui intrigue les passants. Il ressent les énergies invisibles, perçoit les ombres qui dansent, et ce soir ne fait pas exception. Près du vieux théâtre, Myriam, une jeune femme d'une beauté envoûtante, se promène seule, attirée par l'aura magique de la nuit. Son regard perçant capte chaque détail de l'obscurité, alors que les légendes circulent autour d'elle. C'est là que nos destins se croisent, car dans l'ombre des lampadaires, apparaît Gus, une âme singulière de petite taille. Vêtu d'un costume élégant, il dégage un aura mystérieuse qui éveille la curiosité des passants. Les rumeurs de Chicoutimi racontent qu'un vampire rôde sur la rue Racine, se nourrissant des âmes perdues et égarées. Les langues se délient, les regards se méfient, mais la vérité reste voilée. Augustin, l'innocent, sans l'approche de la créature de la nuit. Son intuition le guide et il fait preuve d'un courage insoupçonné. Myriam, charmée par sa présence, décide de le suivre, intriguée par le mystère qui plane sur Gus. Ils marchent ensemble, bravant les ombres et les murmures. Augustin, tel un guide dans l'obscurité, trace leur chemin, éclairé par sa pureté d'esprit. Myriam, au bras de Gus, découvre que derrière sa petite taille se cache une sagesse et une force insoupçonnées. la rue Racine se transforme en scène d'un ballet nocturne où le vampire devient plus qu'une menace. Il devient le reflet des peurs et des désirs enfouis en chacun. Il représente la part obscure que nous portons tous, une invitation à explorer notre propre dualité. La légende de minuit se dissipe peu à peu, laissant place à une réalité complexe et fascinante. Augustin, Muriam et Gus, unis par leur quête d'authenticité, se rendent compte que la vraie magie réside dans la connexion humaine, au-delà des apparences et des légendes. Alors, la rue Racine, éclairée par la lune, reprend son souffle, prête à accueillir de nouvelles histoires et de nouvelles rencontres nocturnes. Car c'est dans les méandres de la nuit que les légendes prennent vie, offrant un éclat d'éternité à ceux qui osent les explorer. J'espère que vous aussi, oiseaux de nuit, vous avez laissé la légende de minuit danser dans vos pensées, vous rappelant que l'imagination n'a pas de limite et que les histoires sont là pour nous émerveiller et nous échapper du quotidien. Merci au guitariste qui nous a laissé ce beau texte, c'est apprécié. Maintenant, de retour avec votre hôte Foxy Mox pour ce dernier segment du podcast Nocturne qui marque la fin de notre voyage dans les heures sombres. Alors que le soleil pointe timidement à l'horizon, nous nous préparons à clôturer cette émission avec une note de joie et d'émerveillement en honorant l'homme qui a su, dans notre enfance, capturer nos cœurs d'enfants et nos rêves. Et oui, le bien nommé Walt Disney. Au fil de cette nuit envoûtante, nous avons exploré les méandres de la prose, nous laissant emporter par des mélodies envoûtantes. Nous avons partagé des histoires intrigantes, des rencontres insolites, mais il est temps de laisser un peu de magie de Disney s'immiscer dans nos cœurs. Walt Disney, un visionnaire qui a su donner vie à nos rêves d'enfants. Il nous a transportés dans des mondes enchantés où les animaux parlent. Les princesses dansent et les histoires prennent vie. Ses créations, des chefs-d'œuvre intemporels, continuent de nous émerveiller et de nous rappeler l'importance de la magie dans nos vies. Alors que le jour se lève, nous sommes invités à garder cette étincelle de l'enfance en nous, à embrasser notre imagination débordante et à croire en la possibilité de réaliser nos rêves les plus fous. Comme Walt Disney l'a si bien dit, tout a commencé par une souris. Et qui sait où nos propres aventures pourraient nous mener? C'est donc l'occasion de se rappeler que la nuit, même sombre, peut être illuminée par l'éclat de nos rêves. Que ce soit dans la mélodie d'un jazz envoûtant, dans la slush à la piste de la mulotte ou dans l'écho des histoires que nous avons partagées, nous avons découvert que la magie est partout autour de nous. Chers auditeurs, que cette fin d'émission soit une invitation à embrasser la journée qui se dévoile maintenant devant nous, à croire en notre pouvoir de créer notre propre conte de fées. Donc, inspirez-vous de Walt Disney, laissez votre imagination s'envoler et partez à la recherche de votre propre aventure. Que cette émission nocturne reste gravée dans vos souvenirs, un rappel de l'importance de la musique, des histoires et de la magie pour nourrir nos âmes. Que chaque aube vous inspire à embrasser la beauté du monde qui vous entoure et à poursuivre vos rêves avec une passion débordante. Sur ces notes d'optimisme et d'émerveillement, je vous souhaite une journée remplie de joie, de rire et de moments de pure magie. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir accompagnés tout au long de cette nuit, dans l'embaumeur de nuit, au 89.3 CJPM Chicoutimi. Et n'oubliez pas, le monde est rempli de possibilités infinies, à condition d'y croire. Donc, bonne journée à vous. Et souvenez-vous, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et pour se laisser, si on se laissait sur un clin d'œil de Walt Disney, une chanson d'un jeune roi qui avait été lion. Donc, que les notes entraînantes de Hakuna Matata résonnent dans vos cœurs, vous invitant à vous aventurer sans crainte dans le monde qui vous entoure. Voilà, bonne fin de émission. It's Harry Mitz, here we getting lit. Musically Bumbo Clan, pocket full and fit. Yo, yo, yo. Bumba. Dramatic. Baby killer. On a flow. More cans. Trace O. Rappy boy. B-face. When it flow. Benediction, brother. No matter fight with no borders. You can hold Gucci negative. Hakuna Matata. Life to you on a murica treje. Tuguma to sanese kwa kwaje. Iwi waso vyamye hoku vakera. Tukaje show to them niggas wanna kill the vibe of the good man. But Hakuna Matata. Them niggas basha kako ni fera ngatera squat all the time. Ariko jena guana. Hakuna Matata. Gun in my hand, my eyes on the radar. Eyes are red, my simbi mi paka. And I don't care, yes I don't care. Hey sa, sa. Anytime I step on my kibara busy harasha. Kugeza ho the enemies papo wa bugacha. Hakuna matata nubgo benshi tudasa. Dusangira gahiye, akabisi tugata eh. Hakuna matata like 1, 2, 3. We live every time, the party's for free. Hakuna matata like Muhammad Ali. Like Tupac on the beat, the chains on my beat. I don't care what the people them say. Mi mini fanta mengine ni aji odi. It doesn't matter how love feels hard. Get up, stand up and let them know. Matata kwetu every day. Blessings on blessings on the way, ay. Ara flow, rapi boy na tray. Bad energy far away. Na if not today, not tomorrow, gaga blaze. Yapa desu sina meza gat can go on the face. Yani hakuna matata, hakuna ta stress. Raba na moshaka, I never mess. Yeah. Bigotega muta, kumenguda duta. Jibi batunda bikanza, nabi kwiza nubusa. Yeah, on dini shakanda shika, mbisa kara shika. Iba do the sesh, do the click, mede boom. Bada bizi kondi mesha sire zose ndaba aga. Aba fana wanja ndaba hivyo wa shaka. Singo heka ngori jorono mutaba. Naho hatabu de mishenzi kugwanya. Hakuna probleme mi don't care. Yeah. Imisuzi yiwi kere nibuza bafuma. Yeah. Hey. Wazo he Kenya menyo wazo hongoka. Bara vienabi wazo komoka. Umugambi wimana na uhabarika. Tunasonga kama kawa eka na udufata. Ubu posti mnandika na chubu tubira. Yeah. Jewe mbaye hoki gangsta. Uzanyu buro fanda kukatira fasta. Hakuna matata ni feeling better. My enemies bye bye, see you later. I don't care what the people them say. Mimi ni fanta mengene ni aji odi. It doesn't matter how love feels hard. Get up, stand up and let them know. Here we got some lit. Musically Bumbo Clan, pocket full and fit. Yo, yo, yo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ego no. that's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody.